Chapitre 5, seconde partie. En suivant Sperber, qui montait l'escalier d'un pas rapide, je pus me convaincre que le château du Nideck méritait sa réputation. C'était une véritable forteresse taillée dans le roc, ce qu'on appelait château d'embuscade autrefois. Ses voûtes, hautes et profondes, répétaient au loin le bruit de nos pas, et l'air du dehors, pénétrant par les meurtrières, faisait vaciller la flamme des torches engagées de distance en distance dans les anneaux de la muraille. Sperver connaissait tous les recoins de cette vaste demeure. Il tournait tantôt à droite, tantôt à gauche. Je le suivais hors d'haleine. Enfin, il s'arrêta sur un large palier et me dit « Fritz, je vais te laisser un instant avec les gens du château, pour aller prévenir la jeune comtesse Odile de ton arrivée. Bon, fais ce que tu jugeras nécessaire. Tu trouveras là notre majordome, Toby Offenloch, un vieux soldat du régiment de Nideck. Il a fait jadis la campagne de France sous le comte. Très bien. Tu verras aussi sa femme, une Française, nommée Marie Lagoutte, qui se prétend de bonne famille. Pourquoi pas ? Oui. Mais entre nous, c'est tout bonnement une ancienne cantinière de la grande armée. Elle nous a ramené Toby Offenloch sur sa charrette avec une jambe de moins et le pauvre homme l'a épousée par reconnaissance. Tu comprends. Cela suffit. Ouvre toujours, je gèle. Et je voulus passer outre. Mais Sperver, entêté comme tout bon Allemand, tenait à m'édifier sur le compte des personnages avec lesquels j'allais me trouver en relation. Il poursuivit donc en me retenant par les brandebourgs de ma ringrave. De plus, tu trouveras Zebald Kraft, le grand veneur, un garçon triste, mais qui n'a pas son pareil pour sonner du cor. Karl Trumpf, le sommelier Christian Becker. Enfin, tout notre monde, à moins qu'il ne soit déjà couché. Là-dessus, Sperver poussa la porte, et je restai tout ébahi sur le seuil d'une salle haute et sombre. La salle des anciens gardes du Nideck. Au premier abord, je remarquai trois fenêtres au fond, dominant le précipice. À droite, une sorte de buffet en vieux chêne bruni par le temps. Sur le buffet, un tonneau, des verres, des bouteilles. À gauche, une cheminée gothique à large manteau, empourprée par un feu splendide et décorée sur chaque face de sculptures représentant les différents épisodes d'une chasse aux sangliers au Moyen-Âge. Enfin, au milieu de la salle, une longue table, et sur la table, une lanterne gigantesque éclairant une douzaine de canettes à couvercle d'étain. Je vis tout cela d'un coup d'œil, mais ce qui me frappa le plus, ce furent les personnages. Je reconnus d'abord le majordome à sa jambe de bois, un petit homme, gros, court, replet, le teint coloré, le ventre tombant sur les cuisses, le nez rouge et mamelonné comme une framboise mûre. Il portait une énorme perruque couleur de chanvre, formant bourrelet sur la nuque. Un habit de peluche vert pomme à boutons d'acier, large comme des écus de 6 livres. La culotte de velours, les bas de soie et les souliers à boucles d'argent. Il était en train de tourner le robinet du tonneau. Un air de jubilation inexprimable épanouissait sa face rubiconde et, à ses yeux à fleur de tête, brillait le profil comme des verres de montre. Sa femme, la digne Marie Lagoutte, vêtue d'une robe de stoff à grand ramage, la figure longue et jaune comme un vieux cuir de cordeau, jouait aux cartes avec 2 serviteurs, gravement assis dans des fauteuils à dossier droit. De petites chevilles fendues pinçaient l'organe olfactif de la vieille et celui d'un autre joueur, tandis que le troisième clignait de l'œil d'un air malin et paraissait jouir de les voir courbés sous cette espèce de fourche caudine. « Combien de cartes ? » demandait-il. « 2 », répondait la vieille. « Et toi, Christian ? » ?»« 2 ».« Ha ha ! Je vous tiens ! Coupez le roi, coupez l'as ! » Et celle-ci, et celle-là, ha ha ha, encore une cheville, la mère. Ça vous apprendra une fois de plus à nous vanter les jeux de France. Monsieur Christian, vous n'avez pas d'égard pour le beau sexe. Au jeu de cartes, on ne doit d'égard à personne. Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus de place. Bah, bah, avec un nez comme le vôtre, il y a toujours de la ressource. » En ce moment, Sperver s'écria. « Camarade, me voici. Hé, Gédéon, déjà de retour ?» Marie Lagoutte secoua bien vite ses nombreuses chevilles. Le gros majordome vida son verre. Tout le monde se tourna de notre côté. « Et monseigneur va-t-il mieux ?»« fit le majordome en allongeant la lèvre inférieure. « C'est toujours la même chose. »« À peu près, » dit Marie Lagoutte qui ne me quittait pas de l'œil. Sperver s'en aperçut. « Je vous présente mon fils, le docteur Fritz du Schwarzwald, » dit-il fièrement. « Ah, tout va changer ici, maître Toby. Maintenant que Fritz est arrivé, il faut que cette maudite migraine s'en aille. Si l'on m'avait écouté plus tôt, enfin, il vaut mieux tard que jamais. » Marie Lagoutte m'observait toujours. Cet examen parut la satisfaire, car s'adressant au majordome, « Allons donc, monsieur Offenlore, allons donc » s'écria-t-elle. « Remuez-vous, présentez un siège à monsieur le docteur. Vous restez là, bouche béante comme une carpe. Ah, monsieur, ces Allemands !» Et la bonne femme, se levant comme un ressort, accourut me débarrasser de mon manteau. « Permettez, monsieur, vous êtes trop bonne, ma chère dame. Donnez, donnez toujours. Il fait un temps. Ah, monsieur, quel pays !»« Ainsi, mon seigneur ne va ni mieux ni plus mal, » reprit Sperver en secouant son bonnet couvert de neige. « Nous arrivons à temps. Hé, Casper, Casper !» Un petit homme, plus haut d'une épaule que de l'autre, et la figure saupoudrée d'un milliard de taches de rousseur, sortit de la cheminée. « Me voici. Bon, tu vas faire préparer pour monsieur le docteur la chambre qui se trouve au bout de la grande galerie. La chambre de Hugues, tu sais ?»« Oui, Sperver, tout de suite. Un instant, tu prendras en passant la valise du docteur. » Knapfurcht te la remettra. Quant au souper, soyez tranquille, je m'en charge. Très bien, je compte sur toi. » Le petit homme sortit et Gédéon, après s'être débarrassé de sa pelisse, nous quitta pour aller prévenir la jeune comtesse de mon arrivée. J'étais vraiment confus de l'empressement de Marie Lagoutte. « Ôtez-vous donc de là, Zébalt, » disait-elle au grand veneur. « Vous vous êtes assez rôti, j'espère, depuis ce matin. » « Asseyez-vous près du feu, monsieur le docteur. Vous devez avoir froid aux pieds. Allongez vos jambes, c'est cela. » Puis, me présentant sa tabatière, « En usez-vous ? » ?»« Non, ma chère dame, merci. Vous avez tort, » dit-elle en se bourrant le nez de tabac. « Vous avez tort, c'est le charme de l'existence. » Elle remit sa tabatière dans la poche de son tablier et reprit après quelques instants. « Vous arrivez à propos. » « Monseigneur a eu hier sa deuxième attaque. Une attaque furieuse, n'est-ce pas, monsieur Offenlore ?»« Furieuse est le mot, » fit gravement le majordome. « Ce n'est pas étonnant, » reprit-elle. « Quand un homme ne se nourrit pas, car il ne se nourrit pas, monsieur, figurez-vous que je l'ai vu passer 2 jours sans prendre un bouillon et sans boire un verre de vin, » ajouta le majordome en croisant ses petites mains replètes sur sa bedaine. Je crus devoir hocher la tête pour témoigner ma surprise. Aussitôt, maître Toby Offenlore vint s'asseoir à ma droite et me dit « Monsieur le docteur, croyez-moi, ordonnez-lui une bouteille de Marco Brunner par jour. Et une aile de volaille à chaque repas !» interrompit Marie Lagoutte. « Le pauvre homme est maigre à faire peur. » « Nous avons du Marco Brunner de 60 ans, » reprit le majordome, « et du Johannisberg de l'an 11. » car les Français ne l'ont pas tout bu, comme le prétend madame Offenlore. Vous pourriez aussi lui ordonner de boire de temps en temps un bon coup de Johannisberg. Il n'y a rien comme ce vin-là pour remettre un homme sur pied. « Dans le temps, » dit le grand veneur d'un air mélancolique, « dans le temps, monseigneur faisait 2 grandes chasses par semaine. Il se portait bien. Depuis qu'il n'en fait plus, il est malade. « C'est tout simple, » observa Marie Lagoutte. « Le grand air ouvre l'appétit. Monsieur le docteur devrait lui ordonner 3 grandes chasses par semaine pour rattraper le temps perdu. »« 2 suffiraient, » reprit gravement le veneur. « 2 suffiraient. Il faut aussi que les chiens se reposent. Les chiens sont des créatures du bon Dieu comme les hommes. » Il y eut quelques instants de silence, pendant lesquels j'entendis le vent fouetter les vitres et s'engouffrer dans les meurtrières avec des sifflements lugubres. Zébalt avait mis sa jambe droite sur sa jambe gauche et, le coude sur le genou, le menton dans la main, il regarda le feu avec un air de tristesse inexprimable. Marie Lagoutte, après avoir pris une nouvelle prise, arrangeait son tabac dans sa tabatière, et moi, je réfléchissais à l'étrange infirmité qui nous porte à nous poursuivre réciproquement de nos conseils. En ce moment, le majordome se leva. « Monsieur le docteur boira bien un verre de vin, » dit-il en s'appuyant au dos de mon fauteuil. « Je vous remercie, je ne bois jamais avant d'aller voir un malade. »« Quoi ? Pas même un petit verre de vin ? Pas même un petit verre de vin ?» Il ouvrit de grands yeux et regarda sa femme d'un air tout surpris. « Monsieur le docteur a raison, » dit-elle. « Je suis comme lui, j'aime mieux boire en mangeant et prendre un verre de cognac après. Dans mon pays, les dames prennent leur cognac, c'est plus distingué que le kirsch. » Marie Lagoutte terminait à peine ses explications lorsque Sperver entr'ouvrit la porte et me fit signe de le suivre. Je saluai l'honorable compagnie et, comme j'entrais dans le couloir, j'entendis la femme du majordome dire à son mari « Il est très bien, ce jeune homme, ça ferait un beau carabinier. » Sperver paraissait inquiet, il ne disait rien, j'étais moi-même tout pensif. Quelques pas sous les voûtes ténébreuses du Nidec effacèrent complètement de mon esprit les figures grotesques de maître Toby et de Marie Lagoutte. Pauvres petits êtres inoffensifs, vivant comme l'ornithomise sous l'aile puissante du vautour. Bientôt, Gédéon m'ouvrit une pièce somptueuse, tendue de velours violet pavillonné d'or. Une lampe de bronze posée sur le coin de la cheminée et recouverte d'un globe de cristal dépoli l'éclairait vaguement. D'épaisses fourrures amortissaient le bruit de nos pas. On eût dit l'asile du silence et de la méditation. En entrant, Sperver souleva un flot de sourdes draperies qui voilait une fenêtre en ogive. Je le vis plonger son regard dans l'abîme et je compris sa pensée. Il regardait si la sorcière était toujours là-bas, accroupie dans la neige au milieu de la plaine. Mais il ne vit rien, car la nuit était profonde. Moi, j'avais fait quelques pas, et je distinguais au pâle rayonnement de la lampe une blanche et frêle créature assise dans un fauteuil de forme gothique, non loin du malade. C'était Odile de Nidec. Sa longue robe de soie noire, son attitude rêveuse et résignée, la distinction idéale de ses traits rappelait ces créations mystiques du Moyen-Âge que l'art moderne abandonne sans réussir à les faire oublier. Que se passa-t-il dans mon âme à la vue de cette blanche statue? Je l'ignore. Il y eut quelque chose de religieux dans mon émotion. Une musique intérieure me rappela les vieilles ballades de ma première enfance. Ces chants pieux que les bonnes nourrices du Schwarzwald fredonnent pour endormir nos premières tristesses. À mon approche, Odile s'était levée. « Soyez le bienvenu, monsieur le docteur, » me dit-elle avec une simplicité touchante. Puis, m'indiquant du geste l'alcôve où reposait le comte, « Mon père est là. » Je m'inclinai profondément et, sans répondre, tant j'étais ému, je m'approchai de la couche du malade. Sperver, debout à la tête du lit, élevait d'une main la lampe, tenant de l'autre son large bonnet de fourrure. Odile était à ma gauche. La lumière, tamisée par le verre dépoli, tombait doucement sur la figure du comte. Dès le premier instant, je fus saisi de l'étrange physionomie du seigneur du Nidec, et, malgré toute l'admiration respectueuse que venait de m'inspirer sa fille, je ne pus m'empêcher de me dire « C'est un vieux loup !» En effet, cette tête grise à cheveux ras renflée derrière les oreilles d'une façon prodigieuse et singulièrement allongée par la face, l'étroitesse du front au sommet, sa largeur à la base, la disposition des paupières terminées en pointe à la racine du nez, bordée de noir et couvrant imparfaitement le globe de l'œil terne et froid, la barbe courte et drue s'épanouissant autour des mâchoires osseuses, tout dans cet homme me fit frémir, et des idées bizarres sur les affinités animales me traversèrent l'esprit. Je dominai mon émotion, et je pris le bras du malade. Il était sec, nerveux, la main petite et ferme. Au point de vue médical, je constatais un pouls dur, fréquent, fébrile, une exaspération touchant au tétanos. Que faire ? Je réfléchissais. D'un côté, la jeune comtesse anxieuse, de l'autre, Sperver, cherchant à lire dans mes yeux ce que je pensais, attentif, épiant mes moindres gestes, m'imposait une contrainte pénible. Cependant, je reconnus qu'il n'y avait rien de sérieux à entreprendre. Je laissais le bras, j'écoutais la respiration. De temps en temps, une espèce de sanglot soulevait la poitrine du malade, puis le mouvement reprenait son cours, s'accélérait et devenait haletant. Le cauchemar oppressait évidemment cet homme. Épilepsie ou tétanos, qu'importe, mais la cause, voilà ce qu'il m'aurait fallu connaître et ce qui m'échappait. Je me retournais tout pensif. « Que faut-il espérer, monsieur ?» me demanda la jeune fille. « La crise d'hier touche à sa fin, madame. Il s'agirait de prévenir une nouvelle attaque. Est-ce possible, monsieur le docteur ?» J'allais répondre par quelques généralités scientifiques, n'osant me prononcer d'une manière positive, quand les sons lointains de la cloche du Nidec frappèrent nos oreilles. « Des étrangers !» dit Sperver. Il y eut un instant de silence. « Allez voir !» dit Odile, dont le front s'était légèrement assombri. « Mon Dieu, comment exercer les devoirs de l'hospitalité dans de telles circonstances? C'est impossible !» Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. Une tête blonde et rose parut dans l'ombre et dit à voix basse. « Monsieur le baron de Zimmer-Bluderich, accompagné d'un écuyer, demande asile au Nidec. Il s'est égaré dans la montagne. « C'est bien, Gretchen, » répondit la jeune comtesse avec douceur. « Allez prévenir le majordome de recevoir monsieur le baron de Zimmer. Qu'il lui dise bien que le comte est malade et que cela seul l'empêche de faire lui-même les honneurs de sa maison. » Qu'on éveille nos gens pour le service et que tout soit fait comme il convient. » Rien ne saurait exprimer la noble simplicité de la jeune châtelaine en donnant ses ordres. Si la distinction semble héréditaire dans certaines familles, c'est que l'accomplissement des devoirs de l'opulence élève l'âme. Tout en admirant la grâce, la douceur du regard, la distinction d'Odile du Nidec, son profil d'infini de détails, d'une pureté de ligne qu'on ne rencontre que dans les sphères aristocratiques, ces idées me passaient par l'esprit et je cherchais en vain rien de comparable dans mes souvenirs. « Allez, Gretchen, » dit la jeune comtesse, « dépêchez-vous. »« Oui, madame. » La suivante s'éloigna et je restai quelques secondes encore sous le charme de mes impressions. Odile s'était retournée. « Vous le voyez, monsieur, » dit-elle avec un mélancolique sourire. « On ne peut rester à sa douleur. Il faut sans cesse se partager entre ses affections et le monde. »« C'est vrai, madame, » répondis-je. « Les âmes d'élite appartiennent à toutes les infortunes. Le voyageur égaré, le malade, le pauvre sans pain, chacun a le droit d'en réclamer sa part, car Dieu les a faites comme ses étoiles, pour le bonheur de tous. » Odile baissa ses longues paupières et Sperver me serra doucement la main. Au bout d'un instant, elle reprit. « Ah, monsieur, si vous sauvez mon père !»« Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, madame, la crise est finie. Il faut en empêcher le retour. »« L'espérez-vous ? » ?»« Avec l'aide de Dieu, sans doute, madame. Ce n'est pas impossible. Je vais y réfléchir. » Odile, tout émue, m'accompagna jusqu'à la porte. Sperver et moi nous traversâmes l'antichambre où quelques serviteurs veillaient, attendant les ordres de leur maîtresse. Nous venions d'entrer dans le corridor, lorsque Gédéon, qui marchait le premier, se retourna tout à coup et me plaçant ses deux mains sur les épaules. « Voyons, Fritz, » dit-il en me regardant dans le blanc des yeux. « Je suis un homme, moi. Tu peux tout me dire. Qu'en penses-tu ? » « Il n'y a rien à craindre pour cette nuit. »« Bon, je sais cela, tu l'as dit à la comtesse. Mais demain ?»« Demain ? » ?»« Oui, ne tourne pas la tête. » À supposer que tu ne puisses pas empêcher l'attaque de revenir, là, franchement, Fritz, penses-tu qu'il en meure ? C'est possible, mais je ne le crois pas. Eh ! S'écria le brave homme en sautant de joie. Si tu ne le crois pas, c'est que tu en es sûr ? Et me prenant bras dessous, il m'entraîna dans la galerie. Nous y mettions à peine le pied que le baron de Zimmer-Bluderich et son écuyer nous apparurent, précédés de Zébalt, portant une torche allumée. Ils se rendaient à leur appartement, et ces deux personnages, le manteau jeté sur l'épaule, les bottes molles à la hongroise montant jusqu'aux genoux, la taille serrée dans de longues tuniques vert pistache à brandebourgs et torsades soie et or, le colbac d'ourson enfoncé sur la tête, le couteau de chasse à la ceinture, avec quelque chose d'étrangement pittoresque à la lueur blanche de la résine. « Tiens, » dit Sperva, « si je ne me trompe, ce sont nos gens de Tubing. Ils nous ont suivis de près. Tu ne te trompes pas, ce sont bien eux. Je reconnais le plus jeune à sa taille élancée. Il a le profil d'aigle et porte les moustaches à la Wallenstein. » Ils disparurent dans une travée latérale. Gédéon prit une torche à la muraille et me guida dans un dédale de corridors, de couloirs, de voûtes hautes, basses, en ogives, en plein cintre, que sais-je. Cela n'en finissait plus. « Voici la salle des margraves, disait-il. Voici la salle des portraits, la chapelle où l'on ne dit plus la messe depuis que Ludwig le Chauve s'est fait protestant. Voici la salle d'armes. » Toute chose qui m'intéressait médiocrement. Après être arrivé tout en haut, il nous fallut redescendre une enfilade de marches. Enfin, grâce au ciel, nous arrivâmes devant une petite porte massive. Sperver sortit une énorme clé de sa poche et, me remettant la torche, « Prends garde à la lumière, » dit-il. « Attention !» En même temps, il poussa la porte et l'air froid du dehors entra dans le couloir. La flamme se prit à tourbillonner, envoyant des étincelles en tous sens. Je me crus devant un gouffre et je reculai avec effroi. « Ha ha ha ! » s'écria le piqueur, ouvrant sa grande bouche jusqu'aux oreilles. « On dirait que tu as peur, Fritz ! Avance donc ! Ne crains rien, nous sommes sur la courtine qui va du château à la vieille tour. » Et le brave homme sortit pour me donner l'exemple. La neige encombrait cette plateforme à balustrade de granit. Le vent la balayait avec des sifflements immenses. Qui eût vu de la plaine notre torche échevelée eût pu se dire « Que font-ils donc là-haut dans les nuages ? Pourquoi se promènent-ils à cette heure ?»« La vieille sorcière nous regarde peut-être, » pensai-je en moi-même, et cette idée me donna le frisson. Je serrai les plis de ma ringrave et la main sur mon feutre, je me mis à courir derrière Sperver. Il élevait la lumière pour m'indiquer la route et marchait à grands pas. Nous entrâmes précipitamment dans la tour, puis dans la chambre de Hugues. Une flamme vive nous salua de ses pétillements joyeux. Quel bonheur de se retrouver à l'abri d'épaisses murailles! J'avais fait halte tandis que Sperver refermait la porte, et contemplant cette antique demeure, je m'écriai « Dieu soit loué, nous allons donc pouvoir nous reposer. » « Devant une bonne table, » ajouta Gédéon. « Contemple-moi ça, plutôt que de rester le nez en l'air, un cuisseau de chevreuil, de jolies notes, un brochet, le dos bleu, la mâchoire garnie de persil, viande froide et vin chaud. J'aime ça. Je suis content de Caspar. Il a bien compris mes ordres. » Il disait vrai, ce brave Gédéon. « Viande froide et vin chaud, car devant la flamme, une magnifique rangée de bouteilles subissait l'influence délicieuse de la chaleur. » À cet aspect, je sentis s'éveiller en moi une véritable faim canine, mais Sperver, qui se connaissait en confortable, me dit « Fritz, ne nous pressons pas, nous avons le temps, mettons-nous à l'aise, les jolies notes ne veulent pas s'envoler. » « D'abord, tes bottes doivent te faire mal. Quand on a galopé 8 heures consécutivement, il est bon de changer de chaussures. C'est mon principe. Voyons, assieds-toi. Mets ta botte entre mes jambes. Bien, je la tiens. En voilà une. Passons à l'autre. C'est cela. Fourre tes pieds dans ces sabots, ôte ta ringrave, jette-moi cette houppelande sur ton dos. À la bonne heure. » Il en fit autant. Puis, d'une voix de stentor, « Maintenant, Fritz !» s'écria-t-il, « à table. Travaille de ton côté, moi du mien, et surtout, rappelle-toi le vieux proverbe allemand. Si c'est le diable qui a fait la soif, à coup sûr, c'est le Seigneur Dieu qui a fait le vin. »